Thank you. conseils n'importe où, du moment que tu retombes sur tes pattes. Et c'est ça qui est bien dans la musique. Thank you. Jolie touche, Beaulieu. Une jolie touche, j'adore.